pas savoir combien de fois j'ai envie de me surpasser vu que je sors de loin. J'ai beaucoup d'émotions qui me saisissent, surtout en passant pour ceux qui n'ont pas d'habitat fixe, qui dorment dehors sans abri. Ça met trop en pensée mon vécu quand je me rappelle pendant un an rien faire. La galère m'a fait courir dans tous les sens. J'avais tant yeux de mépris, toutes mes journées étaient insuffisantes. J'ai pas voulu de supporter ce moment-là insupportable, mais c'est la vie qui a voulu. Mon parcours est instable, un souvenir embêtant, remarquable. En arrivant ici, j'ai fait le tout nécessaire de me mettre en œuvre. Chacun de nous perd son sort dans la vie parce qu'elle nous trahit. Chacun de nous pleure son sort dans la vie parce qu'elle nous trahit. L'amour, c'est la seule chose qui peut nous offrir, la seule chose. De cadeaux, ne donne pas les magots. Elle nous met des baffes et les vrais encaisse les vrais, ne pèse pas les bras. Et qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Le cœur blessé, rien à faire. Le compteur à zéro, c'est laser. Mais c'est la maman qui pleure. Elle voulait qu'on ait une vie meilleure. Qu'est-ce qu'on a raté tout le long? On n'est pas des ratés, mange langue. Peut-être qu'on l'est pas assez. L'espoir est demain toujours dans mon cœur. Et chacun de nous pleure son sort dans la vie parce qu'elle nous trahit. L'amour, c'est la seule chose qui peut nous offrir, la seule chose qui peut nous promettre. Je trime souvent dans cette vie et je suis toujours fait ma pleine de reproches. Et ça tous les jours, sache que ma tête sur les épaules. J'écris pas les critiques, ça commence par moi. Avec une feuille, avec des idées pratiques. Arriver chez toi, qu'importe si c'est pas tout de suite, je ressens plus de joie. Mon travail n'est pas sans suite, c'est tout l'important. Début déterminé, de belles autres choses d'une vie fidèle. Le monde est solidaire, mon combat est de sensibiliser en préliminaire. La vie a besoin d'une envie de plus de somme. Ma vie est tellement sûrement, tellement variée. On te l'écoute jusqu'à la fin de la journée. C'est temps pour une vie saine et plein concevoir. Chacun de nous pleure son sort dans la vie parce qu'elle nous trahit. L'amour, c'est la seule chose qui peut nous offrir, la seule chose.